Pour ouvrir la cuisine sur le salon, il faut abattre une cloison. Vous trouvez un artisan qualifié ? La solution, c'est pas compliqué, c'est easy. Prendre rendez-vous en ligne avec un artisan qualifié pour des travaux réussis, c'est simple, c'est easy. Easy by EDF. Informations et conditions sur easy.edf.fr. Les travaux réussis, c'est simple, c'est easy. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans la France de 1958, la nouveauté avait le vent en poupe. Une nouvelle constitution, un nouveau franc, et bientôt une nouvelle génération de cinéastes bien décidés à secouer le cocotier du 7e art. En dépit de leurs différences notables, reprenant une formule lancée par Françoise Giroud dans l'Express, la passion du nouveau rassembla ces jeunes réalisateurs sous la bannière « Nouvelle vague ». On connaît la suite. En tournant Le Beau Serge, Claude Chabrol fut le premier à se jeter à l'eau. Ce premier film, dont Chabrol était également le producteur, dut cependant attendre quelques mois avant d'être distribué, au début de l'année 59, en même temps que Les Cousins, son deuxième long métrage. Succès critique et succès public pour Chabrol, qui allait être suivi de ceux de Truffaut et Godard. C'est le jeune Claude Chabrol, 28 ans, que nous allons entendre en 58, répondant aux questions de Simone Dubreuil sur les ondes de la chaîne nationale. C'était dans l'émission Jeunesse Magazine, où il était invité à présenter Le Beau Serge, qui, avant sa sortie, était projeté dans les festivals. Aux côtés de Chabrol, à l'exception de Bernadette Lafont, on retrouvait les comédiens du film, Micheline Méritz, Gérard Blin et Jean-Claude Brialy. Jeunesse Magazine, entretien avec Claude Chabrol, à propos de son film Le Beau Serge, une émission diffusée en 1958 sur la chaîne nationale. Une équipe de jeunes a entrepris un film qui a été réalisé tout en extérieur et en intérieur réel pendant 2 mois dans la Creuse. Ce film, c'est Le Beau Serge. Son réalisateur a 28 ans, c'est Claude Chabrol, et ses interprètes sont Gérard Blin, Jean-Claude Brialy et Micheline Méritz. Eh bien, Claude Chabrol, voulez-vous nous expliquer comment vous avez pu réaliser ce film et le faire entièrement comme vous le souhaitiez? Eh bien, c'est... Enfin, ma femme a fait un héritage, ce qui m'a permis d'être libéré complètement de toutes les questions financières. C'est un petit budget, évidemment. Donc, libéré des conditions financières qui entraînent toujours des impédiments terribles, j'ai pu faire ce film exactement comme je l'entendais. Et alors, comment l'entendiez-vous? Bien, je l'entendais... C'est assez compliqué à expliquer. Enfin, je l'entendais comme un film d'auteur, ça paraît. Donc, je veux dire que comme un roman, quoi. J'essayais de faire un film qui n'appartienne pas à un genre particulier, qui ne soit pas un film policier ou un film paysan, des choses comme ça. C'est-à-dire pas un film de genre, c'est non, ça voilà. Et dites-moi, vous l'avez tourné dans la Creuse, dans un village, je crois, qui s'appelle Sardan. Sardan, et pourquoi l'avez-vous tourné à Sardan? Est-ce parce que vous êtes originaire de cette région ou bien est-ce que parce que vous avez vécu à une certaine époque dans cette région? Ma mère est originaire de Sardan et j'y ai vécu à une certaine époque, j'ai vécu pendant la guerre. Si bien que, d'abord je connaissais très bien le coin, ce qui m'a permis de faire mon découpage en fonction des endroits où j'allais tourner, ce qui est toujours pratique. Et puis, par ailleurs, c'est un pays qui me tient à cœur, quoi, que j'aime beaucoup, et que j'ai cru voir sombrer en 46-47, par là. C'est-à-dire que les gens s'en vont. Les gens s'en allaient, oui, les gens ne voulaient plus rester. Alors, maintenant, ils y restent, n'est-ce pas? Je veux dire que le bled où se déroule l'action n'est pas le Sardan actuel, mais je crois, j'ai essayé de montrer enfin, l'atmosphère d'un pays comme ça qui fout le camp, qui s'en va à la dérive. Mais alors, Le Beau Serge, quel est son personnage? Ah ben, son personnage, c'est justement un garçon qui est dérouté, enfin, qui est dans son milieu naturel, pourtant, et qui a eu des ennuis, qui a eu des déceptions, et qui a sombré dans l'alcool parce qu'il s'ennuyait, parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. Et est-ce que vous le sauvez par le moyen, je crois, de Jean-Claude Brialy, c'est-à-dire de son meilleur ami, ou bien est-ce que le beau Serge est irrémédiablement perdu? Non, il n'est pas irrémédiablement perdu, mais je serais bien incapable de vous dire si je le sauve. Ben, tout ce que je sais, c'est que l'ami qu'interprète Jean-Claude, lui, se sauve. C'est déjà une bonne chose. Mais le beau Serge n'est pas seul, car à la campagne, on ne vit pas seul, il est marié, et je crois que sa femme est enceinte au moment où vous prenez... Où s'ouvre l'action. C'est cela. Et alors, quel est le destin de cette femme? Eh bien, le destin de cette femme est d'accoucher, puisqu'elle est enceinte. Mais non, mais je veux dire sur le plan à la fois alors, c'est moral une... et alors, conjugal. Alors, c'est une femme à l'aspect extraordinairement sévère, très... pas antipathique, mais fermée. Enfin, vous voyez, comme si plus rien n'existait en elle. Qui souffre les brutalités de son mari, à la fin, sans trop rien dire, parce qu'elle en a pris l'habitude. Et qui ne vit que dans l'attente de cet accouchement, qui finit par arriver. Elle le craint en même temps parce que c'est leur deuxième enfant et le premier était mongolien, quoi. Sans doute, je ne sais pas si c'est une question d'hérédité. Enfin, le premier enfant de Serge et du personnage qu'incarne Michel Méritz, qui s'appelle Yvonne, était mongolien. Si bien qu'ils ont peur que le second soit dans le même état, je sais pas. Et le dénouement du film est axé là-dessus, sur cet accouchement auquel le beau Serge ne veut pas assister et auquel l'ami qu'incarne Jean-Claude oblige à assister. Enfin, je veux dire que je ne sais pas si je... Ouais, je ne sais pas si ma phrase se tient, je veux dire que Jean-Claude oblige le beau Serge à assister à cet accouchement dont il ne veut pas. Oui, mais alors là, il y a un problème qui se pose. Actuellement, on tourne une quantité à... épouvantable de films qu'on appellera noirs, c'est-à-dire il y a un parti pris commercial même, pour montrer ce qu'il y a de plus laid chez l'être humain. Est-ce que votre film est un constat pessimiste ou bien est-ce que vous avez... il reste de l'espoir? Oh ben, évidemment qu'il reste de l'espoir. Non, mais entendons-nous, votre position personnelle en face de vos personnages. Ben, moi, je crois que le beau Serge est sauvé. Le beau Serge est sauvé. Et sa femme et l'enfant. Et tout le monde, enfin. Tout le monde. Vraiment, donc, oui. Est-ce que, d'autre part, qu'elles ont été vos maîtres, si l'on peut dire? Je crois que vous êtes passé directement de la littérature et du journalisme à la mise en scène. Est-ce que vous avez subi des influences? Ben écoutez, je croyais que j'en subirais. J'ai dû en subir, mais je ne sais toujours pas lesquelles. Mais par exemple, je prenons le film à quoi on pense immédiatement, c'est-à-dire à Farbik. Est-ce que Rouquier a exercé une influence sur vous? Écoutez, je n'ai pas vu Farbik. C'est une lacune. Oui, ça je m'en doute, mais je n'ai pas vu Farbik. Non, je ne pense pas qu'il influence. Enfin, il n'a pas une influence. Il y a peut-être des rencontres, c'est possible, mais je ne crois pas. Enfin. Et alors, d'autre part, comment avez-vous travaillé avec vos comédiens? Est-ce que vos comédiens ont été rémunérés normalement ou bien est-ce qu'ils ont fait ça par amitié? Ah, ils ont été rémunérés normalement et... Non, mais c'est un grand film. Ils ont été rémunérés un bel héritage, mais bravo. Ils ont été particulièrement gentils dans les conditions des rémunérations, mais ils ont été rémunérés des plus normalement. Et alors, je vais demander à Gérard Blin, que nous avons vu récemment d'ailleurs dans un film d'un autre... journaliste passé derrière la caméra, c'est-à-dire un film de Truffaut qui s'appelle Les Mistons. Je vais lui demander ce qu'il pense du beau Serge. Bien, facilement de tous les films que j'ai tournés, c'est celui que j'ai préféré. Parce que le rôle du beau Serge est, tranche avec tous les personnages que j'ai eu à interpréter maintenant, et je crois que ça cadre beaucoup plus avec moi, avec mon tempérament. Et c'est vraiment le film que j'ai eu le plus de plaisir à interpréter. Mais comment avez-vous travaillé avec Chabrol, qui n'était pas a priori un metteur en scène d'acteur? Est-ce que ça a été une collaboration étroite? Oui, mais tout s'est passé très très bien. Enfin, il n'y a pas eu... Claude nous a dirigé en souplesse, c'est-à-dire sans... tout à fait différemment de certains metteurs en scène... dont je n'aimerais pas, mais enfin qui s'évertue à embêter les comédiens, à leur crier dessus, à faire un régime de terreur sur le plateau. Ce qui arrive, c'est qu'on n'arrive plus à dire un mot, tandis que là, ça s'est passé complètement différemment. Et est-ce qu'il y avait plusieurs prises? Est-ce que vous faisiez plusieurs essais, plusieurs... Très rarement, non. Très rarement. Non, non. On a souvent tourné, on a toujours tourné une ou deux répétitions, deux prises, trois prises. Alors, et maintenant, Jean-Claude Brialy, Vous, quelles sont vos impressions? Vous jouez l'ami, vous jouez l'ami de la ville qui vient à la campagne. Ce film, qu'est-ce que... Non, pour moi, c'est le premier film dramatique que je tourne. Parce oui, car vous jouez en général d'habitude les... Des fils de famille dégénérés ou quelque peu demeurés. Alors donc, j'étais très content de tourner ce film qui est un film dramatique. Et surtout, d'aller pendant 8 semaines en équipe tourner ce film dans la plus grande décontraction. Car Claude Chabrol nous a tous... sidéré par sa liberté. Non. Il choisissait ses endroits pour sa caméra comme s'il y avait 15 ans qu'il faisait du cinéma. Et puis, je dois dire que Deca, qui est le chef opérateur, a été pour beaucoup dans le film, parce que pour des comédiens, surtout pour des hommes, ne pas se maquiller, car on n'est absolument pas maquillé. Et se voir ensuite à l'écran avec les figures normales, si j'ose dire, c'est très agréable. Et puis, enfin, tout le monde, enfin, les comédiens, on était tous très jeunes, on s'est tous bien amusés. Et Micheline Mérite, ce qui, elle, est enceinte de 7 mois au début et qui accouche à la fin. C'est-à-dire qui a vraiment le rôle le plus difficile. Moi, je suis très reconnaissante à Claude de m'avoir donné cette chance parce que c'est mon premier rôle au cinéma et c'était un rôle très, je crois, difficile. C'était un très grand rôle. Et est-ce que, justement, ce rôle difficile vous a... vous a posé des problèmes? Mais je suis comme... Mais ne fût-ce que physiquement. Enfin. Oui, naturellement, il avait fallu, trouver les attitudes des femmes enceintes, essayer de marcher comme elles, de se mouvoir comme elles. Alors, j'avais un petit peu observé les femmes enceintes autour de moi. L'accouchement, c'était naturellement une question un peu d'imagination. Claude m'a expliqué ce qu'il voulait... Et on a essayé de faire au mieux. Vraiment, c'était... difficile. Eh bien, puisque tout le monde est content de ce film, tourné en 2 mois, en extérieur et en intérieur réel, je crois même dans des pièces très exiguës. Ah oui, on a eu du tout. Je crois que la plus petite, c'est vers la fin. Enfin, il y a une pièce qui doit faire, je pense, 3 mètres sur 1 mètre 5. Eh bien, est-ce que ce film sera prêt bientôt? Eh bien, oui, c'est-à-dire on est en train de terminer le montage. Je pense qu'il sera terminé d'ici un mois. Enfin, je pense que vers la fin du mois d'avril, on aura une copie standard complète et définitive. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous souhaiter d'abord beaucoup d'héritage et puis beaucoup de films. Merci. C'était « Entretien avec Claude Chabrol » à propos de son film « Le beau Serge » au micro de Simone Dubreuil dans « Jeunesse Magazine », une émission diffusée en 1958 sur la chaîne nationale. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.